Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. Hier, on a parlé avec le nouveau coordonnateur du centre de ski de Domiski, également du centre civique pour le curling, également du club de golf de Dobbo-Sisney et aussi du soccer. On sait que la ville de Dobbo-Sisney a ouvert un poste pour ses quatre organismes et c'est Dave Lamontagne qui a été choisi pour occuper ce poste. Hier, on lui a parlé et dans un premier temps, il nous parle un peu de ses accomplissements. Dave Lamontagne est un homme qui a œuvré beaucoup dans l'administration des affaires. J'ai joué au football, j'ai entraîné au football dans des ligues de hockey aussi. J'étais gestionnaire de ligue, même à l'université aussi. C'est un gars qui démarre des projets, là, notamment le Festival des Brasseurs à Dobbo-Sisney. Donc, j'avais de l'expérience en événementiel. J'ai aussi participé au démarrage du marché Wahlberg, là, jusqu'à... Oui, c'est vrai. Donc, je suis quelqu'un de projet, puis j'avais beaucoup de compétences en administration. Et dans un deuxième temps, Dave Lamontagne mentionne que ça ne lui fait pas peur de faire affaire avec quatre conseils d'administration. Travailler, donc je ne me limiterai pas à 40 heures, ça c'est essentiel. Puis au début, ça va être beaucoup d'ajustements. Je ne peux pas tout reprendre. Ça va être, puis je pense que les quatre présidents et les deux présidents, je pense qu'on est conscient de ça, qu'on a eu des bonnes discussions de départ. Je pense que c'est important de partir du bon pied, c'est-à-dire que, regarde, là, c'est une première année pour moi, beaucoup de connaissances, faut que j'apprenne les systèmes, on va implanter des choses, avant de comprendre tous les mécanismes, comment que la gouvernance marche, les rôles, les responsabilités de tout le monde. Avant que j'en reprenne trop, je pense qu'on va y aller étape par étape, on visera pas des coups de circuit à commencer dans chaque organisation. Je pense qu'on va y aller étape par étape, on va faire des petits pas. Puis ensemble, on va évoluer là-dedans. Alors ça, c'est important pour moi. C'est que c'est vraiment... là. Tous les mercredis, je vous donne le classement APOC sur le site internet classementapoc.com qui sert à déterminer les meilleures équipes en région. D'abord, au niveau Bantam, les Hurricanes de Mascouche sont au 15e rang. Les Rapides de Dobbo-Sisney au 62e rang. Et les Ambassadeurs de Chibougamau occupent le 43e rang. Maintenant, au niveau Midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien est au premier rang, les Ambassadeurs Chibougamau au 8e rang et les Castors d'Odelbo occupent le 77e rang. Et au niveau Junior, les Hurricanes de Mascouche sont au 18e rang et les Sabres de Robertval au 43e rang. Hier, on a parlé avec Samuel Harvey d'Allemagne. On sait que Samuel Harvey connaît une excellente saison avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Et on sait que cette année, les Huskies ont décidé de lui faire confiance et en libérant Olivier Tremblay de Chicoutimi. Et Samuel Harvey avoue que ce geste de confiance l'a aidé beaucoup à bien performer depuis le début de l'année. Je dirais que oui, en effet, là, ça l'a aidé beaucoup là, à me donner confiance au début de la saison. Tu sais, moi, je suis arrivé au camp, puis je suis arrivé au camp dans ma tête que je voulais ce spot-là, puis je m'étais préparé fort pour. Fait que c'est sûr qu'en arrivant au camp, puis en ayant la confirmation, c'est sûr que ça a été un bon... Les Huskies de Rouyn-Noranda sont au premier rang de la Ligue de hockey junior du Québec et Samuel Harvey mentionne qu'il n'y avait pas vraiment d'objectifs en début d'année. Je te dirais que moi, avant la saison, je pense que même moi et toute l'équipe au complet, on regardait pas vraiment les chiffres puis on voulait pas se mettre de buts en quantité. Mais tu sais, nous autres, on voulait juste vraiment donner notre maximum puis y aller à chaque match comme si on voulait juste donner tout notre maximum à chaque match. Fait que nous autres, c'était vraiment notre but au début de la saison. C'était ça, on n'avait pas de quantité. Puis je te dirais que maintenant, là, on suit plus le processus. Même si on est premier au classement en ce moment, je pense pas que c'est ça qu'on regarde. On regarde vraiment le processus. On veut s'améliorer à chaque match. Je pense que c'est ça qu'on est en train de faire. Puis je pense qu'en ce moment, même si on s'améliore à chaque match, on est capable d'avoir des victoires. Fait que c'est quelque chose de positif pour nous. On sait que Samuel Harvey va participer au match des étoiles de la Ligue de hockey junior du Québec contre la Russie bientôt. Et Samuel Harvey estime que c'est une belle occasion pour se faire voir par les recruteurs de la Ligue nationale. Oui, non, c'est clair. C'est comme tu dis, c'est des matchs qui vont être importants pour moi. Puis je pense que c'est sûr qu'il va y avoir des recruteurs là. Mais pour moi, là, je vais aller là-bas. Puis je vais juste donner mon maximum. Je vais focusser sur la game que je vais jouer parce qu'on va être deux gardiens. Donc, on va jouer chacun un match. Je vais juste focusser sur la game que je vais jouer. Puis on va voir ce qui va se passer après. Si les recruteurs m'ont bien aimé, tant mieux. Sinon, ça va être à moi de mettre encore plus d'efforts là-dedans. Puis, je pense que ça fait un petit bout que je suis dans la ligue. Fait que je pense qu'ils me connaissent aussi. Donc, c'est juste à moi d'y aller et de me donner mon max. Puis, si à la fin, je peux avoir peut-être des offres ou des bons mots, c'est tant mieux. Sinon, c'est pas grave, je vais recouvrir l'effort. Puis, c'est sûr que pour moi, il n'y a rien de fini. Maintenant, okay. Là-bas, c'est une belle expérience. J'ai super hâte. C'est jouer contre les Russes, ça va être incroyable. Puis je pense que j'ai mixé cet honneur-là. Fait que je suis vraiment content de pouvoir y aller. Maintenant, en terminant, il y aura une autre saison de golf au niveau senior l'an prochain. Il y a eu une réunion récemment qui s'est tenue au club de golf de Saint-Prime. On a confirmé qu'il y aura une 28e saison. Et le conseil d'administration pour la prochaine saison sera de Rémi Gagné, qui sera le président, Roland Bourgeois, le vice-président, Gaston Sirois, le trésorier, et Louis-Marie Blackburn, le secrétaire. Et pour Dolboom, ceci, le représentant sera Louis-Marie Bouchard. Et pour Saint-Prime, ce sera Martin Chamberlain. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Samuel Harvey des Huskies de Rouyn-Noranda. Je me suis également entretenu aussi avec Dave Lamontagne, qui est le nouveau coordonnateur pour les organismes du soccer, du golf, et également du centre civique et aussi du centre de ski de Domiski. Et je me suis également entretenu avec d'autres intervenants dans le monde du sport. Sport local et régional, à DanRadioSport.com.